Merci Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette semaine de fêtes de fin d'année, nous avons changé un peu les atours de la méthode scientifique. Nous ne sommes plus tout à fait dans le présent, pas non plus vraiment dans le futur, mais sur un pont à cheval entre les deux. Tout au long de la semaine, nous allons donc examiner des propositions un peu futuristes, mais les deux pieds ancrés dans la réalité de la recherche scientifique d'aujourd'hui. Appelons ça une semaine prospectiviste, même si ça n'est pas un terme très esprit de Noël. Et pour commencer cette semaine, comme chaque lundi par le vivant, nous allons nous demander comment la faune va s'adapter, survivre, évoluer après le bouleversement climatique en cours, à quoi ressembleront les animaux du futur. Animaux du futur, survivre à l'extinction, c'est le programme sauvage qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et l'autre particularité de cette semaine spéciale de fin d'année, c'est que nous rassemblons autour de la table de la méthode scientifique, et bien des scientifiques bien entendu comme tous les jours, mais aussi des auteurs pour confronter leur point de vue et laisser entrer dans la prospective une part d'imaginaire. Et nous sommes donc ravis de retrouver pour cette première émission thématique Catherine Dufour. Bonjour Catherine. Bonjour. Autrice d'Entend la nuit, c'est chez l'Atalante, et Grand Prix de l'Imaginaire pour l'Immaculée Conception, c'est aux éditions du Bélial. Nous avons le plaisir de recevoir également côté scientifique Patrick Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle, tout premier directeur de la Grande Galerie de l'Évolution et auteur de Biodiversité, l'avenir du vivant, c'est chez Albin Michel, un livre scientifique pour lequel vous avez gagné le Grand Prix de l'Académie Française, on peut le noter. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Drôme Ardèche à Valence avec Sébastien Steyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue au CNRS affecté au Muséum National d'Histoire Naturelle et co-auteur avec Marc Boulet de Demain, les animaux du futur, c'est chez Belin. Alors voilà, ça fait un bail hein, que les progrès de la génétique ont ouvert à la fiction des rêves d'hybridation, de résurrection d'espèces disparues, voire des deux en même temps. Écoutez cet extrait inévitable de l'un des derniers volets de la saga Jurassic Park. Quand il n'est plus suffisant de ressusciter les dinosaures, il faut en plus en créer de nouveaux, encore plus méchants, forcément. Les animaux modifiés sont souvent imprévisibles. Et là, tu es des êtres humains, Henri. Regrettable, en effet. Vous m'expliquez l'intérêt de faire un dinosaure doué de camouflage ? Nous avons ajouté des gènes de sèche pour l'aider à endurer un accélérateur de croissance. Parce que, voyez-vous, la sèche possède des chromatophores qui lui permettent de changer de couleur. Elle a échappé aux caméras thermiques. Vraiment ? Comment est-ce possible ? Les grenouilles arboricoles peuvent moduler leurs infrarouges. On lui a transmis quelques brins de leur ADN pour mieux l'adapter au climat tropical. Mais de là à imaginer... Qui vous y a autorisé ? Vous, en l'occurrence. Plus gros, plus effrayant, plus cool, c'est le terme que vous avez utilisé, je crois, dans votre mémo. Vous ne pouvez pas avoir un animal aux caractéristiques de prédateur surdéveloppé sans le comportement qui va avec. Voilà cette espèce de soupe génétique pour créer de nouvelles espèces à partir des anciennes. Alors évidemment, Catherine Dufour, on nage en pleine science-fiction, mais quand on voit aujourd'hui les progrès de la génétique, et notamment même dans le domaine de la génétique humaine, assez récemment, on se dit qu'on est finalement peut-être pas très loin de cette grande soupe de la faune génétique du futur. Oui, d'autant plus qu'il y a quelque temps, là, les Chinois viennent de mettre au point les premières jumelles génétiquement modifiées pour résister au HIV. Effectivement, ça fait un petit temps que la science-fiction se prend le mur du réel dans la face et qu'on a l'impression de ne pas réussir à imaginer aussi vite que notre science. Ça, c'est certain. Sébastien Steyer, qu'est-ce que ça vous évoque, cet extrait de Jurassic Park, même si là on nage en pleine fiction, il y a tout de même une sorte de base scientifique dans l'édition génétique de ce type d'animaux ? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où l'édition génétique existe, et non parce qu'en fait, cet affreux monstre C'est l'Indoraptor hein, dans Jurassic World, le deuxième. Là, c'était l'Indominus Rex. C'était dans celui d'avant. C'est l'Indominus Rex dans le premier Jurassic World. Ah, c'était voilà. Le premier Jurassic World, d'accord. Donc, en fait, ces monstres-là, en termes de morphologie, finalement, sont beaucoup plus crédibles que les dinosaures reconstitués dans Jurassic Park et Jurassic World, parce qu'ils ne sont pas vendus, entre guillemets, comme des dinosaures. Alors, on est d'accord, hein, Jurassic Park et Jurassic World ne sont pas des documentaires sur les dinosaures, mais on voit d'un côté en fait des monstres génétiquement modifiés arriver dans la saga, et puis de l'autre des reconstitutions paléontologiques de plus en plus has-been en fait, et c'est un peu dommage. Votre opinion, Patrick Blandin, sur cet extrait ? C'est assez fascinant, et en même temps, je reste d'un scepticisme assez poussé par rapport à cela. Parce que, bon, on va peut-être arriver à fabriquer un individu un jour, en manipulant plein de choses. Mais qu'est-ce qui va devenir ? La vie, c'est des populations, c'est des interactions avec d'autres. S'il est spécialement réussi, avec qui va pouvoir se reproduire pour que la réussite continue ? Donc, il y a toute une réflexion à avoir, au-delà de la transformation éventuelle qu'on imagine, là. Comment ça s'instaure dans la réalité du fonctionnement de la vie sur la planète ? Parce que cette grande bouillie ou cette grande soupe génétique qu'on entend dans la fiction de Jurassic World, pour le monde animal, pour la faune, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, insérer des gènes d'une certaine espèce dans une autre espèce, c'est ce qu'on fait couramment dans le domaine végétal, Patrick Blandin. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, si on veut être dans la prospective, même dans l'imagination... comment penser, je dirais, des populations de ces êtres nouveaux ? Et comment, vraiment, je le répète, là, elles s'insèrent dans tout un système sans lequel elles ne peuvent pas continuer d'exister. Sébastien Steyer. Ou alors on la met tout de suite dans notre musée, bien empaillée. Et surtout pas en vie, parce qu'on sait que ça se termine mal, évidemment, à chaque fois. Sébastien Steyer, peut-être un mot, parce que pour les dinosaures, c'est de la pure science-fiction. Néanmoins, il y a des projets tout à fait concrets aujourd'hui de ramener à la vie des espèces éteintes. On pense par exemple au programme qu'on entend parler comme un peu un vieux serpent de mer, mais la résurrection du mammouth laineux en implantant, puisqu'on a du matériel génétique à disposition et qu'on a séquencé son ADN dans une éléphante, c'est plus tout à fait de la science-fiction, ou là on est justement entre les deux, entre la pure science-fiction et juste un peu de prospective de quelque chose qui va nous arriver dans les années à venir. C'est encore pour moi de la science-fiction et un petit peu de mythe, parce que le problème c'est que le mammouth est l'éléphant d'Asie le plus proche, en fait, phylogénétiquement parlant. Les deux n'appartiennent pas au même genre, donc bon, il faut voir aussi ce que ça va donner, et je rebondis finalement sur ce que vient de dire Patrick Blandin, c'est que, et Catherine Dufour, c'est que si finalement la science-fiction se prend le mur de la réalité dans la figure, c'est que quelque part les responsables des comités d'éthique, quand il y en a en fait, qui sont censés réfléchir sur ces grandes manipulations génétiques, il faudrait qu'ils lisent de la science-fiction justement un peu plus, qui apparaît finalement comme un corpus d'œuvres intéressantes, parce que elles ouvrent des portes et elles nous permettent de réfléchir ces œuvres de science-fiction sur ce qu'on est capable de faire. Et la question un petit peu bateau, mais qui est finalement brûlante d'actualité, c'est que est-ce que il faut faire finalement des choses qu'on est capable de faire ? Catherine Dufour ? Oui, vous rejoignez là effectivement moi, un de mes soucis. J'ai participé à une semaine de présentation de laboratoire pharmaceutique. Alors ils avaient réquisitionné la totalité du palais de la porte de Versailles. C'est le hall 1, c'est gigantesquissime. Il n'y avait pas un centimètre carré de libre. Et c'était uniquement des laboratoires qui font soit effectivement de la biogénétique, soit qui collectent des données personnelles. Enfin, il y avait énormément d'innovations médicales qui sont toutes extrêmement intrusive, invasive, d'une façon ou d'une autre. Et donc, il pose d'énormes problèmes éthiques. Donc, je pensais qu'il y aurait un penseur éthique attaché à chaque laboratoire. On était deux et on a eu le droit de parler 20 minutes. Et ça m'a terrifiée. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons pour ce premier numéro de cette semaine thématique spéciale de prospective dans la méthode scientifique, où nous posons des questions de futur de science-fiction, mais les deux pieds ancrés dans le réel de l'actualité scientifique, nous posons la question de ce que va devenir en fait aujourd'hui la biodiversité terrestre telle que nous la connaissons et confrontée aux modifications climatiques et à l'effondrement des populations qui est, elle, bien documentée, qui sont bien documentées l'un et l'autre. Nous en parlons avec Catherine Dufour qui est autrice de science-fiction, Patrick Blandin, écologue, et Sébastien Steyer en duplex depuis Valence qui est paléontologue. Alors on va revenir au présent et à cet effondrement actuel de la biodiversité. Pour pouvoir imaginer ce que sera la biodiversité du futur, encore faut-il définir peut-être celle d'aujourd'hui et l'impact que les activités humaines ont sur elle. Est-ce que aujourd'hui il est acquis, confirmé que nous sommes en train de vivre la sixième extinction massive des espèces, Patrick Blandin? Écoutez, moi, il y a un consensus scientifique autour de cela. L'expression est employée par tout le monde et moi j'aime bien la contester parce que les crises précédentes, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, en ce sens que pour des questions de circonstances, de vitesse, de cause. Aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène extrêmement rapide et dont la cause principale, c'est une des espèces qui composent cette diversité du vivant. Donc, j'aime bien dire qu'on est face au premier bouleversement de cette nature que la planète rencontre. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on entend des scientifiques parler de la sixième crise, ils disent, c'est la sixième, mais elle n'est pas pareille. Or, la mettre dans la série, c'est la banaliser. Or, je trouve que nous vivons aujourd'hui quelque chose qui n'est pas banal du tout. Et on ferait bien de le mettre davantage en valeur. Mais on pourrait dire que, par exemple, celle d'avant, l'extinction KT, c'est une météorite en partie. Hein, c'est pas que ça. Oui. On sait que c'est une extinction multifactorielle. Que ça aussi, c'est finalement assez exceptionnel par rapport à celle précédente. Absolument. Elle a donc un régime d'exception. C'est peut-être un caractère de l'histoire de la vie auquel je pensais, c'est que c'est toujours nouveau. En réalité. Mais là où c'est doublement nouveau, si je puis dire, c'est l'échelle de temps, c'est l'échelle planétaire et c'est la cause première qui est quand même nous qui nous insérons dans une dynamique de changement de toute façon, mais qui en quelque sorte faisons dévier la trajectoire qu'on aurait pu imaginer si on n'avait pas fait autant de bêtises. Sébastien Steyer, qu'en pensez-vous ? C'est pas tout à fait la première fois en fait dans l'évolution de la vie où une espèce chamboule en fait toute la biodiversité d'une époque. Moi je pense à la grande oxygénation. Absolument. Il y a 2,4 milliards, où en fait ce sont les nouvelles bactéries à l'époque qui vont cracher de l'oxygène et cet oxygène va être finalement un poison pour les autres bactéries. Et donc là qui était anaérobie majoritairement. C'est ça. Et donc, dans cette histoire balbutiante de la vie, on a finalement, pour la première fois, puisque c'est l'extinction en fait massive d'il y a 2,4 milliards années, où en fait on a un groupe vivant qui chamboule en fait les autres groupes, les autres branches de l'arbre de la vie. Alors, cela ne relativise pas et cela ne gomme pas l'importance de cette sixième extinction, qui finalement n'est pas la sixième, effectivement, c'est la septième, si on compte cette première extinction bactérienne, entre guillemets, d'il y a 2,4 milliards d'années. Et la question, c'est que, effectivement, l'homme, en tout cas dans l'arbre du vivant chez les vertébrés, est une espèce que l'on nomme une espèce ingénieure, parce qu'elle est capable de modifier substantiellement son environnement, tout comme d'autres espèces, comme les castors, par exemple, qui sont capables de modifier tout un réseau hydrographique avec leurs barrages, ou encore des sangliers, par exemple, qui sont capables de vous retourner un champ en quelques heures. Là, pour la première fois dans l'histoire du vivant, on a une seule espèce, Homo sapiens, qui commence à être un dangereux xylophage, finalement, de l'arbre du vivant. Il est temps de se poser, finalement, d'évaluer l'impact et de mieux réfléchir à ce qui va se passer dans les années ou les décennies à venir. Catherine Dufour, je vous vois prendre des notes. Je trouve ça très beau, xylophage de l'arbre du vivant. Alors, pour aborder mon versant qui est celui de la science-fiction, il y a effectivement toute une branche de la science-fiction qui parle de ça, qui ne parle que de ça, ce qu'on appelle le post-apocalyptique. Peut-être le plus connu récemment, c'était The Road de Cormac McCarthy. Et là, effectivement, en termes... J'ai une bonne vingtaine d'années, hein. Oui, c'est vrai, d'accord. Alors, je vais citer, la Horde du Contrevent. La Mazio, par exemple. Un petit peu plus frais. Bon, la science-fiction est très, très hantée par ça. Et au-delà du drame humain, ce qu'on voit qui reste en général en post-apocalyptique, au niveau écosystème, c'est quasi rien. sauf des bestioles invasives. Alors, soit c'est les chiens, soit c'est les rats, soit c'est les puces, soit c'est les mouches, soit c'est les chardons, et qui systématiquement deviennent très agressives et se retournent contre nous. Parce qu'il faut, préciser effectivement que quand on parle d'extinction massive, il y a des espèces qui sont très fragilisées, dont on voit les populations s'effondrer. Et au contraire, il y a d'autres espèces, Patrick Blandin, qui sont les espèces invasives ou opportunistes, qui, elles, bénéficient, profitent de ces extinctions pour envahir des pans entiers de niches écologiques laissées désertes. Oui, je voudrais faire un petit retour, parce que ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure est super important. Mm-hmm. C'est cette interaction dès le départ entre le vivant et le reste de la planète. En fait, on est dans une histoire de changement associé en permanence entre le vivant et le non-vivant, qui fait qu'on est dans une trajectoire de co-changement, si je puis dire. Et dans cette dynamique de co-changement où la vie et le reste sont en interférence permanente, donc effectivement, la vie elle semble s'en être toujours tirée, si je puis dire, puisqu'on est là. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'est montrée capable d'adaptation à des circonstances nouvelles qu'elle, d'ailleurs, contribue de plus en plus à créer. Donc, où est la source de cette capacité d'adaptation ? Je crois que ça, c'est l'une des questions fondamentales qu'il faut se poser pour réfléchir à vers quoi pouvons-nous aller en nous adaptant comment ? Quand je dis « nous », c'est l'ensemble du monde vivant. Et c'est là où on se connecte avec l'idée de diversité. Le mot de biodiversité, bon, il n'est pas très vieux, c'est 1985-86. Hein. Il a été très commode, il est très important pour communiquer sans qu'on sache forcément bien de quoi on parle quand on communique avec ce mot-là. Moi, j'aime bien souligner que le vivant, une de ses caractéristiques essentielles, c'est de produire de la diversité et d'être diversifié. Alors, à des degrés divers, selon les endroits, selon les époques. Mais il semble que c'est dans cette diversité qu'il y ait toujours eu la source, et si je puis dire la ressource, pour que le vivant continue, mais en changeant. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que les espèces dites invasives peuvent jouer comme rôle ? Est-ce qu'elles peuvent reconstituer, créer de nouveaux écosystèmes avec de nouveaux systèmes d'interaction ? Pourquoi pas, mais pas toutes seules. Il faut qu'il y ait toujours de la diversité pour que ça fonctionne. Mais il faut toujours, et je parle sous votre contrôle, Sébastien Steyer, il faut toujours un temps. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une première phase qui est la phase d'invasion après une extinction où certaines espèces, dont les mammifères par exemple, après la dernière extinction qu'il y a été, envahissent toutes les niches écologiques. Et puis il y a un temps où on revient à une forme de diversification. Mais dans un premier temps, il y a d'abord le triomphe, le succès de ces espèces dites opportunistes. Oui, alors on relativise quand même de plus en plus en ce qui concerne la diversification des mammifères au Mésozoïque. On observe qu'en fait, il y avait beaucoup de représentants mammifères qui étaient déjà présents, qui vivaient certes un petit peu à l'ombre des dinosaures, mais qui se développaient très bien, et que effectivement, après l'extinction des dinosaures non aviens, hein, on va mettre les oiseaux à part, on a ces mammifères qui étaient déjà très présents, qui là profite entre guillemets des niches écologiques vacantes et qui se diversifie encore plus rapidement. Oui, Catherine Dufour. Oui, on en discutait justement avec Monsieur Blandin juste avant le départ de l'émission. C'est que effectivement les mammifères ont explosé alors que pendant tout un très très long moment ils ont vécu à l'ombre des dinosaures. Et on s'est posé la question qui est à notre ombre actuellement et qui va exploser après nous. C'est une grande question qu'on va aborder dans cette émission, mais peut-être aujourd'hui un mot sur les espèces que l'on appelle opportunistes. Aujourd'hui, quelles sont les espèces qui profitent de l'extinction ? Est-ce qu'il y a des espèces qui s'en sortent mieux aujourd'hui, Patrick Blandin, que d'autres, et qui sont ces espèces dites invasives que l'on constate ? C'est difficile à dire, et puis il faut d'abord avoir conscience que le déplacement, l'extension ou l'expansion des espèces, c'est dans la dynamique naturelle des choses. Hein. Après tout, quand on se multiplie, il faut qu'on occupe plus de place. Donc le mouvement, l'occupation de l'espace et de plus en plus d'espace est dans la nature des choses depuis, je pense, toujours. Ce que nous appelons aujourd'hui envahissante ou invasive, il y a discussion terminologique de temps en temps là-dessus. Ou opportuniste, non, c'est pas la même chose. C'est pas encore la même chose. C'est qu'il y a une connotation, si vous voulez, un regard de notre part sur les espèces dites invasives ou envahissantes qui y voient un danger, notamment parce que ces espèces très dynamiques contribue à en faire régresser d'autres, voire dans certaines circonstances peut-être à les faire disparaître. Mais ça pose toute la question, je pense qu'on y reviendra si on a le temps, quelle valeur accordons-nous à chaque catégorie d'espèces? Si l'on craint pour une espèce qui est en voie de disparition, pourquoi? Et si on a peur d'une autre espèce qui peut être la cause de cette disparition ou qui peut créer d'autres problèmes pour nous, pourquoi? Donc dans cette réflexion sur les mouvements de la diversité, en quelque sorte, derrière, très vite, il y a des questions éthiques. Quelle valeur? Quelle espèce préserver? Quelle valeur écosystémique accorder à une espèce face à une autre? Évidemment, on va en reparler dans quelques minutes. Sébastien Steyer, sur cette question des espèces invasives, on parle par exemple des méduses, dont on assiste à la prolifération dans les océans, qui profitent notamment du réchauffement, de la modification des courants marins. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la prolifération de certaines de ces espèces, des espèces qu'on dit très généralistes, c'est-à-dire qui peuvent, dès qu'une niche est laissée vacante, se l'approprier parce qu'elles sont très polyvalentes? Oui, enfin quelque part oui, parce que ce sont des espèces en fait qui vont proliférer très rapidement, mais finalement c'est aussi dans l'ordre de la nature, si je puis dire, dans le sens où une espèce va devenir envahissante dans un nouveau milieu lorsqu'elle va migrer, tout comme finalement une espèce va devenir opportuniste quand les conditions vont changer. C'est un petit peu comme en politique aussi. Une question peut-être aussi sur d'autres phénomènes dont on a parlé d'ailleurs à ce micro, Patrick Blandin, sur des phénomènes d'adaptation évolutive. On constate aujourd'hui, d'ores et déjà, que certaines espèces ont muté légèrement, ont changé un peu de méthode d'alimentation, ont bougé d'une niche écologique à une autre, sont montées en altitude, sont descendues en profondeur par exemple. On assiste déjà à des phénomènes d'évolution à très très court terme, puisqu'on est sur des échelles qui sont incomparables par rapport à des échelles géologiques classiques. Bien sûr, c'est peut-être parce qu'il y a une certaine accélération, mais de processus qui sont l'histoire même de la vie. Ça s'est passé toujours comme ça, d'une certaine façon. S'il n'y avait pas eu, on évoquait le rôle au départ de cette perte de bactéries compte tenu des circonstances que le changement atmosphérique a créé, il y en a d'autres qui sont restées. Donc, dans la diversité de ce qui existait, certaines catégories d'organismes se révèlent préadaptées aux circonstances. Bon, je fais du darwinisme de base, là, mais c'est quand même un peu l'idée que nous portons, c'est que dans cette diversité, il se trouve qu'il y a des solutions pour que la vie continue dans des circonstances nouvelles. Je ne ferai pas l'allusion à la politique, mais la notion d'adaptabilité durable, être capable de toujours s'adapter, donc de changer, c'est peut-être une des clés pour comprendre et projeter dans l'avenir. Catherine Dufour. Oui, actuellement, on a une adaptation, une certaine partie du vivant, du moins, à la pollution. Il y a cette fameuse bactérie, la Hydeonella sakaiensis, qui mange du plastique. Les scientifiques se sont penchés dessus et ont dit que probablement elle a évolué récemment dans un centre de recyclage. Et elle a gagné encore 20% de capacité à dévorer le plastique. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle, en même temps il paraît qu'il ne faut pas trop la répandre auprès de nous tous, la multitude. Sinon on va continuer à dépenser et gaspiller du plastique comme des gorées, ça ne serait pas une bonne idée. Mais il y a d'autres espèces qui, elles, n'arrivent pas du tout à tirer leur épingle du jeu. Alors là, je pense bien sûr évidemment les pollinisateurs et bien sûr les abeilles. Et là, aux États-Unis, comme les abeilles, effectivement, je crois que c'est le chiffre d'affaires de la pollinisation par les abeilles, c'est 15 milliards de dollars. Là, il n'y en a plus à cause des pesticides. Et donc, n'écoutant que leur courage, un certain nombre d'Américains ont décidé de régler le problème en, vous allez me dire, supprimant les pesticides. Pas du tout, en remplaçant les abeilles. Ils ont créé des tout petits drones sur lesquels ils ont collé des poils de cheval, sur lesquels ils ont mis du gel. Ils rêvent de remplacer les abeilles. Mais si on ne se met pas dans la tête que non, on ne remplacera pas les abeilles et qu'il vaut peut-être mieux diminuer les pesticides. Je crois qu'on a, sans abeilles, sans pollinisateurs, on a une espérance de vie de combien? C'est avant de crever de faim et de manque d'oxygène, c'est 3 ans. Alors ça, c'est une légende scientifique un peu urbaine, on attribue à Einstein le fait de dire que à partir du moment où les abeilles s'arrêtent, je crois, hein, je parle sous votre contrôle, à partir du moment où les abeilles disparaissent, il reste 20 ans d'espérance de vie à l'humanité. Je cite ça de mémoire, mais je suis pas sûr. Il y a un très bon épisode de la série Black Mirror, de la série britannique, où on crée des petits drones, des abeilles robots qui doivent servir à ça, évidemment. Comme toujours dans Black Mirror, ça ne se passe jamais très très bien. J'aimerais peut-être aussi revenir un peu à Jurassic Park, alors non pas dans l'idée de recréer sérieusement des dinosaures, mais aujourd'hui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick Blandin, sur... Faut-il sauver certaines espèces? Faut-il déployer aujourd'hui de l'ingénierie génétique pour sauver certaines espèces? Et si oui, lesquelles? Aujourd'hui, on a les moyens d'utiliser une certaine forme d'ingénierie génétique pour non pas faire revenir à la vie certaines espèces, mais en tout cas essayer de maintenir en vie des espèces qui sont menacées. Ça, la question, elle est directement éthique, à mon sens. Quelle valeur accordons-nous aux autres espèces? On lutte pour sauver le panda, par exemple, et bien d'autres espèces qui sont en grand danger de disparition. La leçon qu'on peut tirer de l'histoire de la vie, c'est que c'est pas parce qu'une espèce disparaît que la vie n'a pas continué. Donc on pourrait se dire, pourquoi cette lutte, en quelque sorte, cet acharnement à sauver des espèces? Alors il faut regarder chaque espèce sous trois dimensions, me semble-t-il. Elle est une mémoire, par tout ce qu'elle porte d'un point de vue génétique, elle est une mémoire de son histoire et d'une part de l'histoire de la vie. Elle a donc une valeur de mémoire. Tout organisme appartenant à cette espèce, aujourd'hui, est dans son système écologique, y interagit, y contribue, y compris en se faisant manger par un prédateur. Et donc, il y a, je dirais, une valeur d'existence et de fonctionnement. Et puis, ces individus de cette espèce, éventuellement, alors c'est pas le cas peut-être pour toutes, mais qui le sait, vont peut-être jouer un rôle dans les changements futurs en se révélant plus adaptés que d'autres à des circonstances nouvelles. Donc, valeur de mémoire, valeur d'existence, valeur d'avenir. C'est comme ça, me semble-t-il, qu'il faut regarder toute composante de notre diversité du vivant. Mais les valeurs, c'est nous qui les accordons. Et bien sûr... En quoi la mémoire du vivant passé est-elle intéressante pour nous? Si le panda s'en va avec sa mémoire, bon, on en aura quelques-uns qui sont empaillés chez nous, mais... Il y aura moins de vidéos mignonnes sur Internet. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien de sauver les mémoires? Ça, c'est une question pour nous. Hein. Est-ce que c'est bien d'assurer le bon fonctionnement des systèmes écologiques? C'est bien pour le système, pour ses composantes, et éventuellement pour nous qui en faisons partie. Et est-ce que c'est bien de préserver ce qui pourrait servir dans l'avenir, mais on ne sait pas encore comment, c'est aussi important. Alors, il y a peut-être des espèces, et souvent, vous savez, on parle de la diversité ordinaire et exceptionnelle. Bon, le panda, c'est exceptionnel. Un petit mille-pattes qui bouffe des feuilles mortes dans le sol d'une forêt, c'est d'une banalité terrible. Mais c'est peut-être lui qui contribuera à ce qu'il y a encore des sols qui fonctionnent. Sébastien Steyer, votre opinion à propos de l'ingénierie génétique à mettre en œuvre pour sauver certaines espèces tant qu'il est encore temps, effectivement? Moi, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot et qu'on remplace un problème par un autre, en fait. On risque de s'essouffler à remplacer des pollinisateurs par des nanodrones, effectivement, ou de préserver non plus des pandas, mais des futurs mutants pandas, parce que à force de... manipulation génétique, on peut passer aussi une barrière, certes plus ou moins subjective, mais qui définit l'espèce en elle-même. Et je voudrais rebondir justement sur cette notion de mémoire. L'homme a du mal, en fait, à se décentrer par rapport à l'arbre du vivant. On pense que tout gravite autour de nous, y compris la vie, alors qu'effectivement, c'est pas le cas. Et puis, j'aime bien la citation de Nietzsche sur la mémoire, qui dit que finalement, le futur appartient justement à celui qui a la plus longue mémoire. Et je pense qu'on devrait appliquer en fait cette citation un peu plus souvent et se tourner un peu plus vers le passé. Alors là, je prêche en fait pour ma paroisse, hein, en tant que paléontologue, mais quand on observe en fait les extinctions au cours des temps géologiques, peut-être que ces observations-là peuvent être salutaires pour mieux limiter en fait les risques aujourd'hui. Alors, quelle est la réponse à cette question? Comment faire pour tenter de maintenir en vie une espèce dont la survie est menacée? Nous en avons les moyens, comme on disait dans une célèbre série de science-fiction des années 70 à propos de l'être humain. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour. Vous êtes rendu dans une réserve zoologique dans la Haute-Touche en Indre-et-Loire, où l'on va tenter des inséminations exotiques pour sauver une espèce caprine. Oui, j'ai rencontré Yann Locatelli et son équipe. Yann Locatelli, il est biologiste et il pratique ce qu'on pourrait appeler, pour le dire très vite, la gestation pour autrui au niveau animal. Depuis quelques années, ils ont développé au sein de la réserve zoologique de la Haute-Touche dans l'Indre-et-Loire une technique de fécondation in vitro un peu particulière qui pourrait permettre à terme la conservation d'espèces animales en voie d'extinction à l'état sauvage. Et en fait, ils constituent une biobanque de semences, d'ovocytes et d'embryons d'espèces de cervidés menacées. Ces embryons ils sont conservés à basse température en vue d'être portés par des femelles du même genre mais d'une espèce différente. Donc Yann Locatelli nous explique tout le travail de contrôle mené autour de cette gestation interspécifique. Il nous raconte aussi comment il travaille au quotidien au sein de la réserve zoologique et nous détaille les résultats obtenus. Salle de soins ici qui est en connexion directe avec des loges dans lesquelles on a les animaux soit qui sont mis à jeun pour les collectes d'ovocytes ou pour les transferts d'embryons. Et puis après ensuite on a une salle de chirurgie qui est en connexion directe avec la partie paillasse du laboratoire et puis les salles de culture. L'originalité, c'est la connexion directe de la salle de chirurgie avec les salles de fécondation in vitro. On voit ça dans les centres de procréation médicalement assistés en humaine. C'est le même principe, quoi. C'est des containers avec de l'azote liquide. Dans chaque container, en fait, on a des zones de stockage qui contiennent des paillettes. Alors, on va tirer un container, on va dire, et on va découvrir un certain nombre de paillettes. Chaque petit container contenant, je sais pas, une vingtaine, cinquantaine de paillettes, bah, c'est un individu, ou un éjaculat, ou un individu avec ses embryons. Là, dans les deux bouteilles cumulées, alors c'est stocké sur plusieurs niveaux, il y a deux étages, on a près de 7000 échantillons qui correspondent à 450 individus, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, et 35 espèces. Donc sur un mètre carré de stockage, on a presque l'équivalent du tiers de la génétique du zoo qui lui fait 150 hectares. Alors, nous nous trouvons dans la salle de culture du laboratoire de la réserve de la Haute-Touche. Donc, c'est la salle où on vient produire les embryons in vitro, réaliser les fécondations in vitro et le développement embryonnaire. Et là, ce matin, on vient tout simplement juger de la qualité du développement des embryons qui ont été produits la semaine dernière en vue de faire normalement un transfert embryonnaire sur une mère porteuse de l'espèce ELAF. L'embryon a été produit dans une autre espèce, l'espèce Sika du Japon, et l'idée de ces transferts embryonnaires entre espèces, c'est de pouvoir un jour utiliser une espèce commune pour porter un embryon d'une espèce rare. Le but ultime, l'objectif, c'est de mettre en application, d'utiliser les techniques de fécondation in vitro pour les espèces les plus rares du parc, notamment le Marcor. L'idée, c'est d'utiliser la chèvre domestique pour mener à terme une gestation de cette espèce rare Marcor. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'influence directe sur la génétique de l'embryon au cours de son développement, c'est-à-dire que la mère porteuse va permettre le développement sans altération génétique de l'embryon puis du fœtus et permettra la naissance d'un individu de l'espèce d'origine. Hein, voilà. De l'espèce voulue. De l'espèce souhaitée, oui. Il n'y a pas de brassage ou de flux de gènes pendant la gestation à ce niveau-là. Les obstacles qu'on va rencontrer, c'est la compatibilité entre les espèces porteuses et l'espèce donneuse, entre guillemets. Voilà, il faut que les caractéristiques de gestation soient les mêmes, c'est-à-dire les durées de gestation, on va dire les étapes clés du développement embryonnaire avant l'implantation, l'environnement hormonal au cours de la gestation soit similaire. Donc généralement on prend des espèces qui sont génétiquement proches. Il y a beaucoup de possibilités avec ces techniques, mais encore faut-il le vérifier expérimentalement. Alors ça fait plusieurs années que vous pratiquez cette technique avec des résultats qui ont été positifs. Quels sont ces résultats et comment ça s'est passé finalement ? On a produit donc des gestations interspécifiques chez les cervidés avec le modèle Sika transféré sur ELAF, donc avec un succès il y a déjà quelques temps, hein, c'est en 2006, démontrant la faisabilité de la méthode en vue d'application à des espèces plus rares. En 2012, on a produit des embryons chez le cerf Sika Dibovski, qui est une espèce qui vit en Mandchourie, qui est une espèce plus rare. Et ces embryons, on les a transférés sur des mères porteuses ELAF également. Et on a eu une gestation, on a obtenu une gestation, une mise bas d'un individu viable qui malheureusement est mort peu de temps après sa naissance du fait vraisemblablement d'un défaut d'interaction avec sa mère. Donc on a reproduit un important travail pour comprendre un petit peu au-delà de la gestation ce qui pouvait altérer ou modifier les interactions normales entre la mère et son jeune. Cette année, là, en 2018, on a fait naître à nouveau des individus par transfert interspécifique pour s'apercevoir que, a priori, il n'y avait pas d'altération de l'interaction entre la mère et son petit d'une autre espèce, que tout se déroulait à peu près normalement, qu'il fallait essentiellement accompagner la mise bas pour s'assurer la capacité d'allaitement de la mère vers le jeune, c'est-à-dire s'assurer que le jeune tète correctement sa mère. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des différences anatomiques entre l'espèce portée et l'espèce porteuse qui parfois peuvent rendre difficile l'accès à la mamelle. Alors, la technique que vous développez ici et que vous pratiquez ici, elle est quand même plutôt novatrice dans le domaine de la conservation. Finalement, comment ça pourrait être utile pour la préservation d'espèces sauvages menacées ? Il y a beaucoup d'espèces qui sont en raréfaction dans le milieu naturel et de plus en plus souvent... La conservation de ces espèces repose sur des programmes conservatoires à partir d'animaux en captivité, notamment dans les parcs zoologiques. Et l'idée, c'est de générer à partir de ces animaux-là des biobanques de sperme, d'embryons, pour être capable de conserver un maximum de variabilité génétique de l'espèce pour tout simplement préserver leur capacité d'adaptation à leur environnement en vue d'une réintroduction. Les techniques de procréation assistée... congélation de semences, production d'embryons, transfert embryonnaire peuvent nous permettre à terme de réaliser ces objectifs. C'est-à-dire que si vous avez un embryon dans une banque, si vous voulez reconstituer l'espèce, je ne sais pas, dans 100 ans, une centaine d'années, alors que l'espèce était déjà éteinte, il va falloir utiliser une mère porteuse. Nous, on anticipe un petit peu tout ça. Et le transfert embryonnaire interspécifique peut paraître un petit peu surréaliste aujourd'hui. Mais dans 50 ou ouais, une cinquantaine d'années, ça sera peut-être une réalité concrète. Voilà, pour la conservation. Voilà les tentatives d'ingénierie zoologique pour tenter de conserver, de maintenir en vie certaines espèces menacées. Votre réaction, Patrick Blandin, à ce reportage ? Je reprends par rapport à la réflexion de tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est un investissement scientifique remarquable, de gros efforts. Des succès qui arrivent, on le fait pourquoi ? Et donc il a bien ouvert la perspective, c'est de contribuer à préserver de la diversité en vue d'une adaptabilité. Alors donc là on se trouve les deux dimensions, en tout cas éventuellement, hein, dans les valeurs mises en jeu, c'est garder la mémoire d'une espèce qui est susceptible de disparaître bientôt, mais aussi garder son potentiel d'adaptabilité, donc sa valeur d'avenir. De ce point de vue-là, c'est super intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on se dit, quel investissement intellectuel et technique pour peut-être un jour arriver à avoir un petit peu d'adaptabilité et de mémoire de cette espèce. Parce que c'est pas tout le sens de la recherche scientifique. C'est peut-être toute la noblesse de la chose. Sébastien Steyer, votre réaction, peut-être, c'est vrai qu'on a le sentiment de se dire que, vu l'ampleur de l'investissement, comme on l'a entendu dans le reportage et ce dont vient de parler Patrick Blandin, est-ce que c'est pas une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la rapidité de l'effondrement de la biodiversité des populations d'animaux sauvages? Oui, c'est peut-être une goutte d'eau, mais une goutte d'eau vachement importante, je trouve. Et c'est un travail louable qui tente, tant bien que mal, de limiter la casse, en fait. Donc c'est un travail considérable, effectivement, un travail légitime, en attendant que nos politiques comprennent peut-être un jour qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie aussi, et qu'on ne peut pas limiter la biodiversité qui nous entoure à des quantités monétaires qui sont exploitables à merci. Catherine Dufour ? Oui, moi je suis comme vous, je trouve ça à la fois magnifique et dérisoire. Et là, je voudrais citer un livre encore plus vieux, c'est Les Racines du Ciel de Romain Gary, qui est paru en 1956. et qui parlait de un des premiers romans écologiques qui parlait de la préservation des éléphants, où il explique que l'important c'est pas tellement de préserver un éléphant, que ce soit dans un zoo, dans la nature ou empaillé, mais c'est de préserver la possibilité pour un éléphant d'être parfaitement libre en ce monde. C'est en ça que conserver du sperme dans un flacon est certes nécessaire, mais certainement pas suffisant. On se rend compte aussi, peut-être, Patrick Blandin ou Sébastien Steyer, que toutes ces initiatives de préservation, de réintroduction d'animaux dans un milieu naturel, après avoir été ou non en captivité, de passage d'une souche biologique, je pense à l'ours par exemple, qui vient des Balkans, et de les réintroduire dans les Pyrénées, tout ça, effectivement, a un coût, est toujours très compliqué. Le lamentin en Guadeloupe ou en Martinique, dans les Antilles en tout cas, qui est un échec patenté, c'est difficile de remettre, il suffit pas de relâcher des espèces comme ça dans un milieu sauvage pour que la greffe reprenne à nouveau. C'est très compliqué. Une fois que c'est détruit pour longtemps. Patrick Blandin. Chaque espèce, elle a son système d'interaction. Il faut qu'elle le retrouve. Or, des individus de cette espèce qui ont un autre passé que ce passé d'interaction, comment vont-ils faire ? Donc, c'est vrai que les problèmes de réintroduction, c'est aussi compliqué. Il y a des échecs, il y a des réussites. Le loup de Yellowstone, par exemple, qui est une cascade trophique qu'on cite souvent, qui a marché, qui a réintroduit de la biodiversité, qui a revitalisé tout un milieu, tout un écosystème. Oui, c'est donc il y a de bons exemples. Mais là, il faut situer ça, je pense, dans la panoplie des actions à mener si l'on veut conserver un vivant suffisamment diversifié. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc tout au long de cette heure de la biodiversité du futur. Nous en parlons dans cette émission spéciale tout au long de la semaine. Une méthode scientifique qui se tourne un peu vers la prospective, vers le futur, mais avec les deux pieds toujours ancrés dans le présent de la recherche scientifique. Nous en parlons avec Catherine Dufour, qui est autrice de science-fiction, notamment En temps la nuit chez l'Atalante. Patrick Blandin, qui est écologue, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle. Avec Sébastien Steyer, qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Drôme Ardèche à Valence, qui est paléontologue au CNRS affecté au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors on va faire un petit saut maintenant dans le temps et dans la spéculation, notamment avec vous Sébastien Steyer, vos animaux du futur. Vous avez publié ce livre avec Marc Boulet, Demain, les animaux du futur chez Belin, et vous vous projetez alors non pas dans 1000, 10 000 ou 100 000, mais carrément dans 10 millions d'années. Il fallait aller aussi loin pour faire vraiment de la biologie spéculative et de l'évolution spéculative. 10 millions d'années, oui. On s'est fixé avec mon collègue Marc Boulet cette limite, entre guillemets, pour s'affranchir finalement du débat actuel de la sixième extinction. Enfin, dans le sens où on ne relativise pas, bien sûr, l'impact de l'homme sur la biodiversité actuelle, mais dans notre scénario à plus 10 millions d'années, il n'y a plus d'humains sur Terre. Alors, on n'explique pas le comment du pourquoi il n'y a plus d'humains dans notre scénario. C'est au lecteur, à chacun finalement, de se faire une idée et finalement de prendre conscience que la biodiversité existait bien avant l'homme et elle continuera d'exister bien après l'homme. Et c'est ce qu'on a voulu partager dans ce livre-là en faisant voyager le lecteur dans l'espace, enfin sur Terre. Et puis donc à plus 10 millions d'années. 10 millions d'années, c'est pas grand-chose par rapport à cette longue histoire de la Terre. Et pourquoi cette envie, ce besoin de faire de la biologie spéculative ? Qu'est-ce que c'est exactement d'ailleurs que la biologie ou l'évolution spéculative, qui est l'exercice auquel vous vous livrez dans ce livre, Sébastien Steyer ? C'est une sorte de jeu intellectuel où il s'agit d'imaginer. On n'est pas du tout dans la modélisation scientifique, on est bien dans la science-fiction. Ce que les spécialistes de la science-fiction appellent la hard science, donc de la science-fiction avec beaucoup de science dedans finalement. Et il s'agit de proposer, d'imaginer des formes de vie plausibles en termes de biologie, en termes de développement. Et comment vous avez procédé alors ? Expliquez-nous un peu quelle est votre démarche, parce qu'il y a effectivement une démarche scientifique derrière cet exercice de projection et d'imagination. Alors oui, il y a une démarche un petit peu scientifique, mais il y a tout d'abord en fait une démarche artistique. Marc Boulet étant paléo-artiste, c'est-à-dire un artiste qui ne vient pas du paléozoïque, mais qui est spécialisé dans les reconstitutions en fait d'espèces disparues, s'est dit tiens, pourquoi au lieu de partir d'un fossile fragmentaire et de proposer une reconstitution du fossile, en question. Pourquoi ne pas partir d'une espèce actuelle qui aurait perduré aujourd'hui ou demain et la projeter dans 10 millions d'années? Mais alors concrètement, comment vous procédez? Par exemple, on peut prendre, je sais pas, un cas concret dans votre livre. Vous pouvez nous expliquer quelle est la science que vous injectez là-dedans pour pouvoir aboutir à ces modèles qui sont effectivement très très réalistes, et j'y reviendrai tout à l'heure, un peu effrayants souvent quand même. Oui, il y a peut-être de la déformation professionnelle de Marc Boulet et moi, parce qu'on est plus habitué à des reconstitutions d'espèces disparues. Mais techniquement, en fait, on raye de la surface de la carte dans 10 millions d'années tous les grands mammifères, l'homme donc compris. Il y a beaucoup de groupes de vertébrés marins, de poissons, entre guillemets, qui disparaissent également. Et puis, on utilise, entre guillemets, aussi tous les groupes d'espèces qui présentent les meilleurs, on parle de fitness écologique ou de fitness génétique, et on les prolonge dans 10 millions d'années. Donc, par exemple, on s'est amusé à imaginer un manchot du futur complètement réadapté au milieu marin, c'est-à-dire qu'il ne met plus un pied sur la banquise, ne serait-ce que pour pondre, comme c'est le cas des manchots actuels encore. Banthogyrinus, c'est celui-là ? Néopygocélis. Alors, Pygocélis, c'est le nom du genre du manchot actuel, et on a mis néo devant pour ce qui veut dire nouveau, en fait, en grec. Des fois, on s'est pas trop foulé pour trouver un nom de genre. Benthogyrinus, c'est une sorte de têtard géant des profondeurs. Alors là, on s'est un peu plus creusé la tête. Benthos, c'est les profondeurs, en latin ou en grec. Et gyrinus, c'est la larve ou le têtard. Et donc, on a imaginé finalement une grenouille, c'est le genre Xénope, qui va repartir en fait dans le milieu marin, comme c'était le cas il y a 370 millions d'années. Les amphibiens en fait étaient inféodés au milieu marin, et une grenouille qui va conserver sa forme de têtard pour s'adapter en fait au milieu aquatique. Je montre en même temps les illustrations à vos camarades ici présents, Patrick Blandin et Catherine Dufour. Peut-être une réaction, peut-être un mot déjà, Patrick Blandin, sur cet exercice, sur cette politesse de l'esprit, comme le dirait notre camarade Étienne Klein, de la biologie spéculative. C'est un exercice qui vous paraît intéressant, important? Je crois que ce qui est très intéressant, c'est d'essayer justement de partir de ce qui existe, de voir comment il peut se remodeler et donc fonctionner dans de nouvelles circonstances. Et donc, voilà, on reste quand même sur des plans d'organisation connus, mais on va voir comment ils se... Alors ça me fait penser, là c'est vraiment pour l'anecdote, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler des rhinogrades. C'était une imagination complète d'un groupe à l'heure actuelle. Nous en avons d'ailleurs eu des représentants naturalisés dans la collection de la Grande Galerie à une époque, grâce au talent de nos taxidermistes. Mais donc c'était un groupe complètement imaginaire, mais décrit avec toute la terminologie scientifique. C'est un petit livre absolument remarquable, donc c'est des années 60, si j'ai bonne mémoire. Et c'était, ça ressemble, si vous voulez, à cette démarche de partir de la logique des choses pour imaginer un déploiement de cette logique dans de nouvelles circonstances, avec de nouvelles formes. Et en l'occurrence, pour les rhinogrades, ça partait d'où ? C'était des petits mammifères aussi, mais dont le nom veut dire qu'ils marchaient sur le nez. Voilà, alors évidemment, tout le corps serait organisé, et vous aviez des rhinogrades carnivores, herbivores, etc. etc. Catherine Dufour, ce catalogue des animaux du futur, un peu effrayant, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, je voulais demander à M. Steyer si vous étiez vous-même inspiré de « Les animaux du futur après l'homme » de Dougal Dixon. C'est un livre illustré où ils font un salmigondi génétique et on a de superbes girafo-grenouilles, d'accord. Dougal Dixon qui est dans les premières pages, hein, j'ouvre le livre, qui est d'accord. Partie des premières pages de ce livre sur les animaux du futur. Donc c'est exactement ça, on va dire en plus scientifique, c'est ça ? Pas forcément, parce que Dougal est un géologue écossais, il connaît bien en fait les processus, on va dire, de la géosphère et les interactions géosphère et biosphère, mais on est sans prétention en fait dans la lignée effectivement de Dougal Dixon, qui a écrit notamment Les dinosaures d'aujourd'hui, qui est une superbe, une sorte d'uchronie évolutive. En fait, il illustre et il imagine des dinosaures non aviens, hein, encore une fois on met les oiseaux à part, mais des dinosaures actuels, comme s'il n'y avait pas eu d'extinction il y a 66 millions d'années. Et c'est un travail remarquable dans le sens où il utilise la tectonique des plaques, donc entre moins 66 et aujourd'hui, pour prolonger ou pas certaines arbres du vivant au sein du groupe des dinosaures. Ce que vous faites aussi, Sébastien Steyer, dans le chapitre 3, un nouveau continent, vous imaginez ce qui se passerait si, suite à l'évolution et la dérive des plaques, un nouveau continent, donc isolait, puisqu'on sait que c'est comme ça que fonctionne l'évolution, un certain nombre d'espèces qui, du coup, dérivaient génétiquement. Oui, on s'est raccroché à cette unique branche-là parce qu'en fait, à plus de 10 millions d'années, on ne sait pas ce que donnera le climat, enfin les climats, parce qu'on parle souvent à tort du climat, alors que sur Terre, en tout cas, il y a une mosaïque de climats. On ne sait pas non plus, dans 10 millions d'années, si on sera dans une période inverse ou normale en termes de géomagnétisme. Donc, il nous reste, en fait, à plus de 10 millions d'années, la tectonique des plaques, où là, on a quelques modèles qui sont construits sur des algorithmes qui nous permettent justement de reconstituer les plaques tectoniques et le visage de la Terre dans le passé. Seulement, au lieu de cliquer sur, par exemple, moins 250 millions d'années pour voir à quoi pourrait ressembler la Pangée, cette espèce de méga continent de l'époque, on a cliqué sur plus 10 millions d'années et puis on a utilisé cette carte-là comme une sorte de plateau pour poser ensuite nos personnages, que sont les espèces imaginaires du futur. Pour définir ces espèces, on parlait tout à l'heure d'espèces invasives ou opportunistes. Vous fondez tout de même beaucoup sur cette conception-là, c'est-à-dire qu'il y a des domaines du vivant qui, vous dites le fitness génétique, qui ont plus de fitness, qui sont plus en forme et qui vont mieux vraisemblablement survivre à ce changement climatique et à cette évolution que d'autres. Oui, on utilise effectivement les interactions spécifiques entre les espèces. Patrick Blandin l'a bien dit. En fait, la biodiversité, c'est aussi une histoire d'interaction. Et dessiner, ou en l'occurrence sculpter en 3D, une forme vivante imaginaire, c'est une chose. Mais l'imaginer interagir avec d'autres espèces, on a trouvé ça en fait tout à fait normal de faire ça. D'autant plus que ça renforçait en fait cette fiction. Il y a par ailleurs dans cet exercice imaginaire et scientifique à la fois auquel vous vous êtes livré, il y a des moments où vous êtes tombé sur des impasses, c'est-à-dire que en essayant d'implémenter un modèle de squelette osseux dans tel type d'espèce, ça ne marchait pas et ça donnait lieu à des aberrations. Oui, effectivement. Il y a certaines espèces qu'on a jetées dans les oubliettes de l'histoire de la biologie spéculative. Comme par exemple Par exemple, une sorte de marsupial volant, enfin plutôt planeur, qu'on a imaginé donc arboricole et se déplaçant d'arbre en arbre, en sautant et puis en utilisant une sorte de wingsuit, c'est-à-dire de patagium, de membrane dermique, un peu comme font les écureuils volants, par exemple, aujourd'hui. Et on s'est dit, bon, on a commencé à dessiner et à sculpter cette forme-là, et on s'est dit, ça peut pas tenir la route, parce que la poche s'ouvrant vers le haut, si on imagine, en fait, des petits marsupiaux pendus aux branches, la tête en bas, les bébés vont se casser la gueule. Et finalement, on a repris cette copie-là, parce que entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y avait certains marsupiaux dont la poche s'ouvrait de l'autre côté. Donc on est en train de revoir notre copie et d'imaginer en fait un marsupial arboricole avec cette espèce de membrane qui lui permettrait de se développer et migrer en fait plus rapidement de branche en branche. Catherine Dufour. Oui, il y a une bestiole de ce type-là. Je ne sais pas si vous connaissez dans Évolution de Baxter. Alors, Évolution de Baxter, c'est un roman qui a du souffle, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque il suit une petite souris en lignée matrilinéaire depuis, on va dire, je ne sais pas, moins un milliard d'années, jusqu'à plus 5 milliards d'années. Donc ça termine au moment où la fille de la fille de la fille de la fille de la fille de la créature originale meurt, tandis que le soleil se transforme en super géante rouge. En passant très très brièvement par l'espèce humaine. L'auteur imagine aussi pas mal de créatures, là, dans la préhistoire, des créatures cocasses, qui me font penser aux vôtres, et notamment à une espèce d'immense cachalot volant, donc une créature qui vit carrément dans la ionosphère, qui ne se pose jamais, qui ne descend jamais d'ailleurs dans nos contrées atmosphériques, et qui... un cachalot volant, mais très grand, immense, qui plane, qui est tout transparent, tout léger, et qui se reproduit, et qui vit, et qui meurt là-haut, dans les ionosphères. Et vos créatures me font assez penser aux créatures inventées par Baxter dans l'évolution. Sébastien Steyer. Ah merci Catherine, c'est un honneur d'être comparé à Baxter. Peut-être un mot si on revient, si on se rapproche un peu de nous aujourd'hui dans un scénario type vraiment catastrophe, c'est-à-dire avec un effondrement écologique global, c'est-à-dire finalement ce qui voilà, si on est dans la courbe haute des différents schémas qui sont prévus, Patrick Blandin, est-ce que l'on sait aujourd'hui le devenir de la faune actuelle? Est-ce qu'il y a des espèces qui s'en sortent tout de même mieux que d'autres, dont on sait qu'elles vont vraisemblablement tenir le choc et puis donner lieu à ce que sera la faune du futur? Question bien difficile. Combien y a-t-il d'espèces? Alors peut-être des groupes taxonomiques, voilà. Des taxons plus que des espèces. C'est bien compliqué. On n'en connaît qu'une toute petite partie, mais on connaît très bien, là c'est tout simple, les mammifères, les oiseaux, quelques groupes comme ça, bien entendu. Mais il y a tellement de millions d'espèces et qui sont super importantes dans le fonctionnement des écosystèmes dont on ignore tout. Parfois, on les a même jamais vues. Elles n'ont pas encore de nom. Et c'est peut-être elles qui seront parmi les solutions. Donc, c'est vraiment un exercice très, très difficile. Alors, je pense que selon les catégories d'organismes, chez les végétaux, chez les animaux, les spécialistes vont pouvoir vous dire qu'il y a tel groupe a plus de capacité d'adaptabilité, etc. Et à l'intérieur, telle espèce peut-être plus que telle autre. Mais pour en tirer une vision globale de la façon dont les choses vont se réorganiser, ça c'est extrêmement imprudent. Sébastien Steyer. Oui, moi je miserais beaucoup effectivement sur d'autres espèces, enfin autres que l'homme évidemment, et notamment les bactéries et les archées. Les bactéries sont sur Terre, ce sont les premiers en fait organismes connus à s'être développés dans les mers peu profondes à l'époque, il y a environ 4 milliards d'années quand même, et il y a de très fortes chances qu'elles seront là bien après nous et qu'elles soient finalement pour les bactéries extrémophiles les derniers représentants d'espèces de cette planète-là avant l'extinction de notre étoile qui est le Soleil dans 5 milliards d'années. Peut-être une question aussi, alors je m'adresse à Catherine Dufour, l'autrice de science-fiction. La prochaine civilisation, c'est demain les chiens, demain la planète des singes, demain les méduses, demain les cafards, Catherine. Oh, il y a de grandes chances que ce soit plutôt demain les cafards que demain les chiens. Demain les chiens, c'est absolument adorable. Clifford Simak. Hein, ouais, Clifford Simak. Ça aussi, c'est pas jeune. C'est peut-être des années 50. C'est un monument et c'est la seule utopie qui tienne debout. Voilà, c'est un monde où les chiens et puis les ours et puis les loups et tout ça, ils causent entre eux. Ça se passe très bien. Il y a un robot tout rouillé, c'est tout. Et ça se passe très bien. Et pourquoi ça se passe très bien? Eh ben, pour réussir une utopie, c'est un petit peu comme quand vous écrivez de la littérature pour enfants. La première chose à faire, c'est de se débarrasser des parents. Voilà, vous vous débrouillez. Sinon, il se passe rien d'intéressant. Quand vous voulez écrire une utopie, la première chose à faire, c'est de se débarrasser de l'espèce humaine. Parce que l'espèce humaine est un singe nu en colère et n'arrive jamais qu'à tout gâcher. Donc demain les chiens est une utopie réussie parce que Clifford Simak a commencé par se débarrasser de l'humanité. Donc si je comprends bien pour conclure, la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que s'il y a un grand absent de l'évolution dans 10 000 ans ou à terme, c'est bien l'espèce humaine. Patrick Blandin. Je n'en sais rien, mais me mêlant pas mal de conservation de la nature, c'est un milieu qui a quand même envie de voir l'humanité durer. Combien de temps, on ne sait pas, mais c'est vraiment, c'est pas seulement le monde vivant pour lui-même, c'est le monde vivant comme aussi offre d'altérité, ce qui est très important pour que l'homme se situe. Et c'est porté par l'envie que l'espèce humaine dure et qu'elle ne soit pas malheureuse au niveau de chacun des individus qui la composent. Sébastien Steyer, en un mot. Oui, finalement, la leçon de choses à en tirer de tout ça, c'est que nous faisons partie de la biodiversité, donc détruire la biodiversité aujourd'hui, c'est aussi nous détruire. Catherine Dufour, pour conclure. Oui, moi, comme Romain Gary, il faut sauver un monde dans lequel la liberté de l'éléphant sera encore possible. Eh bien, en tout cas, je ne sais pas si l'éléphant, c'est l'espèce humaine, mais merci à tous les trois d'être venus vous prêter à ce jeu de l'esprit et à imaginer cette biodiversité du futur. Merci beaucoup, Catherine Dufour. Je rappelle que vous avez publié au mois d'octobre « Entends la nuit », c'est chez Latalande. Je rappelle que Patrick Blandin, vous êtes auteur de « Biodiversité, l'avenir du vivant », c'est chez Albin Michel. Et Sébastien Steyer avec Marc Boulet, « Demain, les animaux du futur », un album illustré avec ces créatures de dans 10 millions d'années, peut-être. C'est chez Belin. Melun. Merci beaucoup à nos camarades de France Bleu Drôme-Ardèche pour le duplex à Valence. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Tom Humnenstock, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Stéphane Desmonts à la technique. Demain, nous poursuivrons donc notre exploration du futur proche à partir des sciences d'aujourd'hui et nous allons nous demander comment il est possible de rendre une planète inhabitable habitable. Géo-ingénierie de masse, création d'une atmosphère, l'espèce humaine pourra-t-elle se projeter sur une autre planète pour faire de la terraformation? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.